Je suis sur une route à double sens de circulation. Cet aménagement est une voie de stockage qui permet aux usagers de tourner à gauche sans gêner les usagers qui continuent tout droit. Normalement, on doit passer l'un derrière l'autre, mais le placement de ce conducteur m'oblige à passer devant. Je suis donc bien placé pour tourner à gauche. Je traverserai après le passage du poids lourd. Réponse A et D.